J'ai pu, au passé sans plongeoir. Pude. Oui, encore une fois. Pude. Pude. Et ils ont pu, toujours sans plongeoir. Pudieron. Pudieron. Nous avons pu, sans plongeoir. Pudimos. Pudimos. Et tu as pu, sans plongeoir. Pudiste. Pudiste. Hein? Et il n'a pas pu, sans plongeoir. No pudo. Non. Pudo. No pudo. No pudo. Et il m'a dit, sans plongeoir. Me dijo. Me dijo. Ils m'ont dit, toujours sans plongeoir. Me dijeron. En effet, logiquement, ça devrait être dijeron. Mais derrière le J, le I, il y en a quelque sorte, c'est devenu dijeron. Donc, dijeron. D-I-J-E-R-O-N. Dijeron. Alors, comment direz-vous « Pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas dit ?» Au passé, sans plongeoir. Vous posez la question à ustedes. « No me dijeron. » « Pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas dit ?» Ah, « ¿Por qué no me dijeron ?» D'accord. « ¿Por qué no me dijeron ?» Ils ne m'ont pas dit. Sans plongeoir. « No me dijeron. » « No me dijeron. » Et ils sont venus avec moi, sans plongeoir. Vinieron conmigo. C'est ça. Vinieron conmigo. Vinieron conmigo. Ils ne l'ont pas eu. Toujours sans plongeoir. No lo tuvieron. D'accord. No lo tuvieron. Tuvieron. Et je l'ai voulu, sans plongeoir. Je l'ai voulu. Lo quise. Lo quise. Hein? Lo quise. Hein? Et il ne l'a pas voulu, sans plongeoir. No lo quise. Non. No lo quiso. D'accord. No lo quiso. Ils l'ont voulu, sans plongeoir. Lo quisieron. Lo quisieron. Et tu l'as voulu, sans plongeoir. Lo quisiste. Lo quisiste. Lo quisiste. Hein? D'accord. Et nous ne l'avons pas voulu, sans plongeoir. Lo quisimos. Nous ne l'avons pas voulu. Ah oui. No lo quisimos. No lo quisimos. Hein? No lo quisimos. Voilà pour la forme simple du passé. Donc, le passé sans plongeoir.